On ne peut pas se préparer à l'éveil. Il y a certaines personnes qui visent, en tant qu'ego, à se préparer à l'éveil. Donc, de vivre une forme de fusion avec le plan mental. Or, c'est impossible. Parce que la fusion, elle est générée à partir du plan mental. Donc, l'ego qui peut vouloir s'éveiller, parce qu'il désire bénéficier davantage qu'une personne qui a connu l'éveil connaît, c'est-à-dire comme par exemple une communication télépathique avec le plan mental en vue d'obtenir des informations, l'ego peut vouloir désirer ça, mais si le plan mental, de son côté, ne veut pas établir le contact avec l'ego, bien c'est peine perdue parce que l'ego, qui est inconscient, ne peut pas amener le plan mental à fusionner avec lui, parce que c'est le plan mental qui décide lorsque l'ego est prêt pour que le processus de la fusion soit entamé. Donc, ce n'est pas l'inverse qui peut se produire. Et ça, c'est un élément qui est important à comprendre. Donc, autrement dit, une personne pourrait faire plusieurs jeûnes dans le but de purifier son corps, selon certaines croyances. Quelqu'un pourrait passer des journées à faire de la méditation sous un palmier. Une personne pour aller en voyage en Inde, rencontrer des grands maîtres spirituels, réciter des mantras, réciter des chants sacrés. Une personne pourrait participer à des cérémonies dans le domaine du chamanisme et aussi dans le domaine religieux ou dans des activités en lien avec certaines sectes. Une personne pourrait par la suite faire des exercices réguliers de yoga, des exercices réguliers de méditation, pourrait améliorer son alimentation, pourrait réciter des prières. Donc, pourrait faire différentes choses associées à des hautes formes de spiritualité, mais c'est pas ça qui va lui permettre d'atteindre l'éveil de sa conscience. Parce que ça, c'est des activités que l'ego peut faire dans le but de se spiritualiser, mais jamais aucune de ces activités-là va permettre à l'ego de devenir conscient, c'est-à-dire en contact avec le plan mental d'une manière absolue. Oubliez ça. Donc, en fait, il n'y a même pas de contact avec le plan mental qui peut être établi à partir de ces activités-là parce que le contact avec le plan mental ne peut qu'être initié par le plan mental. Donc, le contact entre le plan mental et l'ego provient du plan mental qui descend vers le bas et le bas ne peut pas atteindre le plan mental parce que sa vibration n'est pas assez haute. Donc, quelqu'un qui est inconscient et sous l'influence d'énergie astrale, bien à ce moment-là, il ne peut pas avoir une autorité pour communiquer avec le plan mental parce qu'il n'est pas traversé par l'énergie du plan mental qui lui donnerait l'autorité d'aller chercher d'autres informations sur le plan mental étant donné qu'il est dans un état de canalisation d'une énergie mentale qui lui permet d'aller chercher d'autres énergies sur le plan mental parce qu'il a intégré cette énergie-là. Donc, autrement dit, si la personne a intégré de l'énergie mentale, ça lui donne l'autorité d'aller chercher de l'information sur le plan mental parce que c'est en relation avec son nouveau taux vibratoire. Donc, vous voyez que c'est un système. Donc, autrement dit, si l'énergie mentale descend un peu à l'intérieur de l'individu, l'individu a la possibilité par suite, en proportion du niveau d'énergie intégrée, d'aller chercher de l'information sur le plan mental. Et puis, plus que de l'énergie mentale qui est intégré à l'intérieur de lui et plus qu'il est capable par la suite d'aller chercher de l'information sur le plan mental, donc d'accéder à du savoir de nature énergétique et réelle parce qu'il y a la conscience vibratoire pour le percevoir. Donc autrement dit, ça prend l'outil. Si vous n'avez pas la capacité d'avoir une oreille pour entendre des sons, quand même que vous seriez entouré de milliers de sons en pleine zone urbaine, vous ne seriez pas capable d'entendre. Parce que vous n'avez pas le récepteur. Et pour avoir le récepteur qui permet de percevoir la vibration mentale qui peut être derrière des formes, c'est-à-dire des individus, des événements, des lieux, il faut que de l'énergie mentale soit à l'intérieur de vous. Parce que c'est seulement le semblable qui peut être connu que par le semblable. Donc autrement dit, quelqu'un qui intègre 30% de sa contrepartie cosmique, son esprit qui réside sur le plan mental, donc, si la personne intègre cette énergie-là en tant qu'âme à 30%, bien, elle peut percevoir avec clarté 30% du plan mental. Elle ne le percevra pas à 100% parce que c'est en fonction de sa capacité à contenir, c'est-à-dire à assumer cette vibration, tout en étant stable dans le mental, qui lui permet de percevoir la réalité. C'est sûr que si à un moment donné, la personne perçoit 70% du plan mental, c'est parce qu'elle a intégré 70% de l'énergie de son esprit, ce qui veut dire qu'elle s'est départie à ce moment-là d'une bonne partie de son énergie astrale. Donc, quelqu'un, il peut lui rester 30% d'énergie astrale et 70% d'énergie mentale en elle, mais elle a moins d'énergie astrale alors qu'elle était inconsciente et qu'il y avait 100% d'énergie astrale qui circulait à l'intérieur d'elle. Parce que l'être humain et sa conscience sont des espaces de manifestation, sont des canaux. Pensez à un tuyau. Si à l'intérieur du tuyau, il descend une énergie qui est blanche et incolore, bien à ce moment-là, le tuyau qui canalise cette énergie-là, eh bien, va changer au niveau de sa densité, de sa structure, un peu comme l'aura. Donc, l'individu qui intègre l'énergie mentale voit une reconfiguration de son aura, c'est-à-dire qu'il y a des blocages émotionnels qui sont libérés de sa structure énergétique de par l'énergie mentale qui pousse pour occuper l'espace qui était autrefois occupé par l'énergie astrale. Donc, autrement dit, il y a un changement, il y a un dépouillement de l'astralité chez l'ego qui se dépollue parce qu'il a accès à une vibration mentale qui est plus haute. Et la vibration mentale qui est plus haute fait en sorte que toutes les attaches qu'avait la personne avec des entités astrales, des liens karmiques, sont éliminées parce que l'énergie mentale ne peut pas être soutenue psychiquement par des entités de basse vibration qui pouvaient vouloir s'attacher à des individus comme des sangsues. Donc, autrement dit, lorsque la personne intègre l'énergie mentale, toutes les sangsues astrales qui étaient liées à elle sont vouées à s'en aller parce qu'elles ne sont pas capables de supporter la vibration mentale parce qu'elle est trop haute pour elles. Et cette vibration-là crée un choc énergétique. Donc, autrement dit, c'est un petit peu comme pour nous autres. Si, par exemple, nous sommes exposés à de la musique qui est à la même fréquence que celle où on communique, celle qu'on parle, on trouve ça agréable parce que c'est au même niveau. Mais si la musique devient trop forte, ça nous casse les oreilles, on a le goût de s'éloigner. Et c'est la même chose pour l'énergie. Si une entité est en contact avec une autre entité et l'énergie est sur la même longueur d'onde, c'est agréable pour les deux entités. Par contre, si une entité est pénétrée par une énergie mentale qui est plus haute que celle astrale qu'elle avait contact dans le passé, bien à ce moment-là, l'autre entité trouve ça désagréable. C'est comme un peu si elle entendrait de la musique trop forte pour sa capacité à contenir. Donc l'énergie vibre trop vite pour elle, donc ça crée un déphasage énergétique et elle n'a d'autre choix que de s'en aller. Donc à mesure que l'esprit descend à l'intérieur de l'être humain, à mesure que l'être humain se dépollue d'éléments astraux, et à mesure que l'être humain rehausse son taux vibratoire, et plus que son taux vibratoire devient élevé, et plus que l'être humain, quelque part, devient supportable pour des entités qui ont un niveau de vibration plus bas, parce que le niveau d'énergie est en décalage. Et plus que le niveau d'énergie est en décalage, plus que l'entité de basse vibration va vouloir s'éloigner, et c'est tout à fait normal. Et l'entité qui connaît un rehaussement de son niveau d'énergie, bien à ce moment-là, trouve lourd la vibration d'une personne qu'elle pouvait avoir comme amie depuis 10, 20 ans, alors qu'autrefois, il était sur la même longueur d'onde. Mais comme la personne a vécu un contact avec le plan mental, alors que l'autre n'a pas vécu ça, bien, d'autres personnes n'ont pas changé, alors qu'elle a changé. Et c'est ce décalage lié au changement entraîné par une intégration d'une énergie mentale qui fait en sorte qu'éventuellement ces deux personnes ne sont plus compatibles, c'est-à-dire qu'ils ont un taux vibratoire tellement différent qu'ils n'ont plus la même psychologie, ils n'ont plus les mêmes paramètres et ça devient plus difficile pour eux de s'entendre et c'est tout à fait normal. Donc, autrement dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport au phénomène d'éveil de conscience, c'est fondamentalement pour que ce soit un éveil qui est réel, lié à une intégration d'une énergie. Et c'est seulement le changement d'énergétique qui crée une modification profonde de l'individu. Parce que des modifications superficielles peuvent être générées. Donc, quelqu'un, par exemple, qui étudie une philosophie, il change de forme et par la suite, il va étudier une autre philosophie. Donc, de son point de vue, il évolue, mais c'est au niveau psychologique, c'est pas au niveau de changement énergétique. C'est un petit peu comme quelqu'un, par exemple, qui va repeinturer la carrosserie de sa voiture. Donc, quelqu'un peut avoir une carrosserie d'une automobile d'une couleur verte. Il change la forme. L'auto, elle est peinturée en bleu. Mais fondamentalement, c'est le même moteur, c'est la même essence qui est à l'intérieur. Et l'auto va à la même vitesse. Elle ne change pas. Alors que si la personne passe de la conduite d'une automobile à la conduite d'un camion ou d'un train, ben, elle change de véhicule énergétique. Et c'est la même chose pour la personne qui vit un changement fondamental. C'est-à-dire que la personne qui passe d'une structure énergétique aurique avec de l'énergie astrale à une structure énergie d'énergie de son aura, d'énergie mentale. C'est un véhicule de déplacement très différent parce que le véhicule d'énergie associé au plan astral ne peut que se déplacer en périphérie de la Terre parce que le plan astral fait en sorte qu'il y a une rétention d'énergie, entre l'entité et l'individu qui est lié au plan planétaire. Alors que lorsque l'être humain intègre l'énergie du plan mental qui est de nature cosmique et s'est dépouillé de toute forme d'attache avec le plan astral, à ce moment-là, l'individu peut voyager librement une fois qu'il a quitté le corps matériel dans le cosmos parce qu'il est devenu un être cosmique. Donc à ce moment-là, il n'est plus assujetti au phénomène de la réincarnation. Parce que tant que la personne est attachée au plan astral et vibre au plan astral, si la personne ne s'est pas détachée des liens astraux de son vivant, c'est sûr qu'en deux incarnations, la personne va continuer de coexister avec des liens psychiques entre son âme et le plan astral qui vont faire en sorte qu'elle va devoir se réincarner pour éventuellement se dépouiller de toute forme de lien astral. Lorsque sa vibration sera suffisamment haute, eh bien, par la suite, elle pourra voyager librement dans le cosmos. Donc, tout ça pour dire que le changement réel, ce que j'appelle le changement de type numéro 2, à la différence du changement numéro 1, n'est pas de nature superficielle. Donc, un changement numéro 1, c'est-à-dire plus en superficie, c'est un changement de forme. Donc, autrement dit, quelqu'un s'intéressait autrefois à la religion X, là, il s'intéresse à la religion Y. Autrefois, la personne s'intéressait sur le plan psychologique à telle approche philosophique. Et là, aujourd'hui, oups, il s'intéresse à telle approche nouvelle âgeuse. Donc ça, c'est un changement de la forme. C'est au niveau 1. Donc, la forme change, mais il n'y a pas de changement fondamental et en profondeur au sein de l'individu. Alors que le changement numéro 2, c'est lorsque la personne est pénétrée par le rayonnement de l'énergie de l'esprit, et c'est ce qui occasionne un changement durable et qui lui sort de la mécanicité psychologique. Donc, autrement dit, c'est un changement dans sa structure énergétique de base. Et c'est seulement ça qui est réel. Parce qu'on peut enseigner à l'humanité à différentes formes. L'être humain peut étudier ça. Il peut s'illusionner qu'il s'éveille. Donc, quelqu'un peut s'imaginer parce qu'il a fait un doctorat en philosophie ou parce qu'il a fait un baccalauréat en psychologie ou parce qu'il a fait des études sur Internet dans le domaine de la conscience qu'il est nécessairement éveillé. Alors que si c'est juste d'accumulation de connaissances, ce n'est pas le cas. La personne se leurre et elle fait travailler ses méninges, donc le mental réflectif, pour se donner un sentiment d'accomplir quelque chose en faisant des efforts au niveau de l'ego, alors que ces efforts-là sont illusoires parce que ces efforts n'amènent pas un changement fondamental de la structure énergétique. Donc, autrement dit, la bonne nouvelle, là, pour les gens qui écoutent l'enregistrement, c'est que pour vous éveiller, au niveau cosmique, au niveau supramental, vous n'avez rien à faire en tant qu'ego. Par contre, bien que vous n'ayez rien à faire pour entamer le processus chez vous ou chez autrui, il y a quand même quelque chose à faire une fois que le processus est enclenché. C'est-à-dire que vous devez composer intelligemment avec les événements et avec les énergies qu'ils véhiculent. Donc, autrement dit, la personne, ça ne sert à rien pour elle. D'aller méditer pendant des heures et des heures en Inde ou d'aller dans des lieux sacrés réciter des prières. Donc, ça, c'est inutile dans le but de connaître un changement énergétique fondamental en lien avec le plan mental. Donc, la personne doit réaliser ça. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne ne doit pas provoquer des événements difficiles pour se donner l'illusion qu'elle vit l'éveil parce que c'est sûr que si on dit à des gens que l'éveil est occasionné par des oppositions à l'ego, c'est-à-dire des événements qu'il n'a pas choisi, qu'il n'a pas désiré, et qui l'amène à vivre certains chocs pour modifier sa structure énergétique. Il y a certaines personnes qui peuvent s'imaginer des choses. Donc, c'est sûr que si la personne, par exemple, elle décide de prendre sa voiture pour rouler rapidement, puis elle pense qu'en faisant ça, elle éveille ses sens, puis elle vit la puissance du moment présent, bien, elle s'illusionne. La personne qui, par exemple, croit s'éveiller en se mettant en situation problématique, donc dans le but de vivre une certaine forme d'adversité, elle court après les problèmes. Donc, c'est sûr que si la personne arrête et quitte son emploi sans raison valable, à ce moment-là, c'est elle qui se met dans le pétrin si elle n'a pas d'argent après. Donc, si la personne fait ça puis elle pense s'éveiller réellement, et elle pense que c'est une opposition qui est créée par son esprit au plan mental en but de modifier sa psychologie, alors que c'est elle, en tant qu'ego, qui l'a occasionné, bien, c'est elle qui a couru après le problème. Donc, autrement dit, c'est pas l'énergie mentale qui a occasionné ça, mais c'est l'énergie astrale à travers elle, à travers son désir d'ego d'évoluer. Donc, c'est sûr que si une personne se met à consommer de la drogue dans l'espoir que la drogue va lui permettre de devenir conscient, puis elle fait une overdose de drogue où elle développe des problèmes de santé graves en lien avec ça, où elle se ramasse à l'hôpital, à l'urgence, bien, c'est sûr que c'est elle, en tant qu'ego, qui a couru le trouble en ayant l'illusion qu'en prenant de la drogue, ça va ouvrir les sens et que c'est ce qui va lui permettre de devenir consciente. À un moment donné, il y a des gens qui doivent prendre la responsabilité de leurs actions et de mon point de vue, le réveil réel n'est pas provoqué par l'ego, mais par le plan mental et des événements adverses qui vont ébranler les structures de l'ego dans sa mécanicité. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, dans mon cas, ma compagne qui roulait en voiture à vitesse régulière, donc sur une route, elle a eu un accident automobile. Il y a quelqu'un qui lui a rentré dedans dans sa voiture. Elle a fait une commotion cérébrale, mais légère. Et puis, bon, ça remonte à quelques semaines, puis là, présentement, est quand même stable, sa santé va bien. Mais c'est pas, dans son cas, elle qui a initié l'événement. Elle apprenait un trajet habituel, c'est un trajet qu'elle connaissait. Et puis, tout d'un coup, il est arrivé une voiture. Et c'était un jeune qui était pressé, c'est un livreur de pizza. On était sur l'heure du souper au moment où l'événement a eu cours. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, le jeune a rentré. Dans le fond, il voulait changer de voie rapidement, couper, c'est-à-dire passer devant elle en voiture rapidement pour atteindre la voie en direction opposée d'où il était. Donc, à ce moment-là, il a peut-être mal calculé ses distances, puis il a voulu aller trop vite, fait qu'il est rentré dans sa voiture. À ce moment-là, bien, c'est sûr que la voiture a encaissé le choc. La voiture a été une perte totale, et ça l'a amené un choc à l'ego de ma compagne. Donc, ça, c'est un exemple d'événement qui est porteur d'une vibration, mais qui n'est pas provoqué par un individu. Ma compagne était dans une route, c'est à peu près 90 km/h, elle roulait à cette vitesse-là. Donc, elle n'a pas, en tant qu'ego, cherché le trouble, cherché le problème. C'est sûr que si elle aurait roulé, par exemple, à 180 km/h et s'était mise à dépasser les gens d'une manière cavalière, ah, là, en tant qu'ego, elle aurait participé à l'événement. Donc, on aurait pu dire que c'est un test on n'aurait pas pu dire que c'est un test qui vient du plan mental. Tandis que là, le plan mental n'est pas intervenu pour créer une émission d'idées dans sa tête pour modifier la trajectoire de son véhicule. Donc, c'est sûr que si elle n'a pas eu dans le mental l'idée, quelques instants avant que l'événement arrive, de ralentir systématiquement la vitesse de son véhicule ou au contraire de l'accélérer ou d'aller dans une autre voie, si le plan mental lui a pas donné l'information qu'elle était sur le point de vivre un accident et le plan mental donc ne l'a pas renseigné et ne l'a pas empêché, c'est parce que quelque part ça faisait l'affaire du plan mental qu'elle soit ébranlée au niveau de son ego. Donc c'est sûr que par la suite, en lien avec l'événement, J'ai procédé à une lecture au niveau énergétique pour voir qu'est-ce qu'il en était. En relation avec mon contact avec mon esprit, et bien sûr, je ne vous demande pas du tout là, de croire là, ce qui va être dit dans les prochaines minutes. Donc, c'est sûr que ce qui m'est venu en tête, bien, c'est que l'événement sert à l'amener à intégrer davantage la matérialité. Donc, autrement dit, d'avoir des assises plus solides dans la matière. Donc, être plus en contact avec la densité physique. Et puis, par rapport à ça aussi, c'est que l'intégration de l'énergie de l'accident l'amène à intégrer une charge énergétique. Et en lien avec ça, c'est que ça l'amène à être plus en contact avec l'aspect matériel, comme mentionné, mais aussi au niveau de l'esprit, parce que l'esprit, c'est de l'intégration d'énergie. Donc, si quelqu'un est capable d'intégrer un choc de la forme comme un accident, puis il a la capacité de résilience pour être capable de gérer l'énergie de l'événement, bien, c'est sûr que par la suite, il va être capable d'intégrer l'énergie qui provient du plan mental, puis être stable par rapport à ça, parce que intégrer là, l'énergie du double, là, c'est pas une partie de repos, c'est une énergie qui est très forte. Donc, c'est un petit peu comme encaisser le choc de l'énergie d'un accident, parce que ça a beaucoup de densité, cette énergie-là, qui provient du plan mental. C'est pas une petite énergie spirituelle là, qui va flotter, qui va vous amener à parler doucement. C'est pas une énergie qui va vous amener à vouloir jouer de la harpe avec des anges que vous allez imaginer dans votre tête. Non, c'est une énergie qui est forte, qui est puissante, et ça prend une capacité de résilience. Et ça, c'est à travers certains chocs dans la matière que l'esprit s'intègre. Et il y a certains chocs qui préparent le terrain à une forme de descente d'énergie. Et simultanément, à travers certains chocs, une descente d'énergie aussi qui s'effectue. Parce que le plan mental cherche à pénétrer le plan physique, mais pour être capable de contenir l'énergie du plan mental, il faut être capable de faire preuve de résilience par rapport à des chocs sur le plan physique, parce que c'est à travers la capacité de faire face à des chocs sur le plan physique que l'ego apprend à se stabiliser et à développer une puissance de volonté pour le garder en état d'équilibre et de stabilité. Et dans l'événement par rapport à ma compagne, ce qui était intéressant, c'est qu'en dépit du choc, parce que j'ai quand même été voir avec elle la voiture qui était maganée, qui était endommagée suite à l'événement, qui a été jugée par la compagnie d'assurance comme étant une perte totale, une perte qui était vraiment totale. Là, donc, on ne pouvait pas réutiliser l'auto par la suite, elle a eu une autre auto. Mais ça, la présence d'un choc au niveau de la ferraille là, qui est maganée, moi, ça ne m'ébranle pas. En tant qu'ego, ce qui m'aurait contrarié, c'est que ma compagne aurait été blessée à travers l'événement. Donc, par rapport à ce sûr à mon attachement émotionnel que j'ai à l'égard d'elle, mais que l'auto soit endommagée ou non, je suis détaché de cette forme-là, puis elle aussi. Donc, après ça, une fois que l'événement a été vécu par elle, elle n'a pas eu peur, et c'est ça qui est intéressant, de prendre sa voiture et de la conduire dans un délai qui est rapproché. Donc, autrement dit, la personne qui est confrontée à un événement choc, ça peut être un accident d'automobile, j'en parle parce que je sais qu'un certain nombre de personnes qui en ont vécu, dont moi-même, moi j'ai vécu un incident de cette nature il y a quelques années, et ce qui était intéressant dans mon cas, puis je vais vous montrer le scénario, puis comment c'est subtil, parce que pendant plusieurs mois, il était prévu que je fasse un voyage au Québec, là, à Laval. Et j'avais hâte de mon voyage parce qu'il allait avoir des beaux repas, des belles activités. Donc, en temps calme, je vibrais un petit peu d'enthousiasme. Et là, le temps passait, un mois, deux mois, trois mois. Et le jour avant que j'étais censé faire mon voyage, eh bien, j'étais en auto. L'auto, j'étais dans une file d'auto et la personne qui s'est envenu en arrière de moi, n'a pas ralenti. Donc, la voiture a rentré dans la mienne, dans mon derrière de voiture. Donc, autrement dit, Le boîte, voyons, le coffre arrière de l'auto a été heurté, a été magané. Et c'est un événement que je n'ai pas provoqué. J'étais tout simplement dans une file. Il y avait d'autres voitures en avant de moi qui roulaient à vitesse de pas de tortue. Et là, moi, j'étais dans la file. Et tout d'un coup, j'écoutais ma musique. Normalement, bang! Il y a eu un choc. Et là, j'ai senti l'auto qui m'a rentré dans le derrière de ma voiture. Et l'auto était endommagée naturellement, l'auto de la personne aussi. Et j'ai pas été blessé. Quand l'événement a eu cours, j'ai ressenti intérieurement que mon destin n'était pas de mourir dans l'événement, mais de m'ébranler, ce qui n'est pas pareil. Et par la suite, une fois que l'événement a eu cours, bon, j'ai fait venir la police parce qu'il y avait quand même des dégâts majeurs. Il y a eu par la suite une dépanneuse qui a pris ma voiture pour l'amener à un garage automobile dans le but que les dégâts soient évalués. Il y avait un peu plus de 6 000 $ de dégâts. L'auto a été quand même réparée suite à l'événement. Mais ce qui était intéressant, dans l'événement, c'est sûr que ça a été vite. L'auto me rentre dedans, ça m'a fait un choc. J'ai vécu une montée d'énergie, de stress, une tension. Et par la suite, ce qui était curieux, c'est que le lendemain, et ça c'était prévu depuis plusieurs mois, là, comme je vous parlais de mon voyage à Laval, que je pensais, j'allais aller là, c'était planifié, mon hôtel était réservé, le voyage était supposé d'avoir cours, et bien entendu, j'étais supposé de conduire pour un total de plusieurs heures pour l'aller et le retour de chez moi. Alors là, ce qui est intéressant, du point de vue mental, pas du point de vue humain, quand que vous transigez avec l'esprit ou le plan mental, il faut que vous soyez capable de sortir de votre perspective subjective, votre perspective personnelle, pour jeter un regard sur l'événement. Donc, autrement dit, du point de vue mental, eux, les forces, c'était de voir comment j'allais réagir. Est-ce que, suite à l'événement, j'aurais sombré dans la peur et dans les jours qui suivent, ben, je m'aurais privé de faire mon voyage qui était prévu longtemps à l'avance? Parce que la peur aurait pris le dessus sur ma volonté de vouloir continuer à vivre, d'être heureux, puis d'aller faire mon voyage, puis aller manger dans les beaux restaurants. Est-ce que la peur, qui est l'énergie astrale, aurait pris le dessus sur l'énergie mentale en moi, c'est-à-dire ma capacité de me relever après l'obstacle, après l'adversité, et dès le lendemain, partir en voyage, puis faire mon voyage comme prévu. Donc, est-ce que j'allais le lendemain m'écraser par terre, puis me mettre à pleurer, puis me mettre en dépression, puis à vouloir arrêter de fonctionner, puis de plus me déplacer en voiture? Ou au contraire, j'aurais dit, bon, cet événement-là m'est arrivé, mais ça ne veut pas dire nécessairement que je vais en vivre un autre demain. Donc, être capable de composer avec l'événement, puis de me relever, puis de faire face. Faire preuve d'une capacité d'affirmation de soi. Donc, la volonté, là, réelle, c'est à travers des événements comme ça que vous pouvez la manifester. C'est pas sur le plan théorique, mais de manière pratique, que vous pouvez voir à quel point vous pouvez avoir une force de volonté. Donc, moi, par rapport à l'événement, le lendemain, j'ai fait mon voyage comme prévu. Donc, je me suis dynamisé à travers l'énergie de la volonté pour faire face à la peur qui pouvait suivre à l'événement. Parce que c'est sûr qu'un événement comme ça, bon, c'est sûr que certaines personnes vont dire, ben, regarde, t'as pas été blessé, c'est pas aussi majeur que quelqu'un qui aurait été blessé grièvement, qui aurait vécu par la suite un stress post-traumatique en ayant une angoisse d'être blessé de nouveau, etc. Ça, je peux comprendre. Mais de mon niveau, de moi par rapport à moi, d'être capable de faire face à cet événement-là a été, à mon niveau, un tour de force. Pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Mais pour moi, à mon niveau, c'est un tour de force qui m'a permis de voir à quel point j'étais capable de développer ma volonté et de continuer à vivre, c'est-à-dire de faire mon voyage qui était prévu pareil. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tout ça est arrivé, moi, j'ai regardé l'événement avec mes yeux humains. Oui, c'est désagréable de se faire rentrer dedans dans la voiture par quelqu'un, mais j'ai regardé aussi au niveau énergétique. Puis au niveau occulte, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une lecture de l'événement. Je regardais avec le plan mental. Puis là, j'ai dit, ben écoutez, vous êtes drôles, vous autres, vous me faites vivre un événement le jour avant que je fasse mon voyage. Fait que vous voulez tester ma volonté pour voir dans quelle mesure je suis capable d'aller au-delà de la peur de l'événement pour faire mon voyage et continuer ma vie normale. Fait que là, ça me dit oui. Fait que là, j'ai dit OK, c'est intéressant. Fait que là, moi, j'ai fait mon voyage par la suite, puis tout a bien été. J'avais la certitude qu'en faisant mon voyage, que tout allait être correct. Puis tout a été correct. Par contre, le point, c'est de voir que dans votre vie, vous pouvez être confronté à des événements choc et votre capacité de se relever par la suite va être évaluée. Donc, c'est sûr que par rapport à l'événement, le toit a été réparé, c'était juste matériel. Et par la suite, j'ai continué à fonctionner. Puis aujourd'hui, je continue à conduire l'automobile. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'individu est testé. Dans certains cas, il n'est pas capable de se relever tout de suite et ça doit être respecté. Il y a certaines personnes qui vivent du stress post-traumatique, suite à une situation traumatisante. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans à récupérer. Et ça doit être respecté parce que chaque individu évolue à son rythme. C'est correct aussi. Autrement dit, si je n'aurais pas fait mon voyage, ça aurait été correct aussi. Par contre, ça ne m'aurait pas amené à développer une capacité de volonté aussi grande que celle de faire mon voyage comme prévu au moment prévu. Par contre, dans certains cas aussi, il faut respecter le délai d'intégration d'énergie mentale puis le fait qu'on n'a pas la volonté de manifester une capacité d'agir rapidement. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines choses que j'ai de la volonté, puis il y a certaines choses que j'ai à en développer davantage. La personne qui vous parle n'est pas parfaite. Donc, loin de là, je me définis comme étant un être en évolution. Donc, c'est sûr que peut-être l'événement de la voiture et de l'accident a été quelque chose qui m'a amené à développer une certaine forme de volonté en ayant un test concret, pratique, dans la matière pour voir si j'allais me relever. Et le test a été concluant, mais dans d'autres domaines de ma vie, peut-être que j'ai échoué certains tests. C'est ça qu'il faut comprendre. Et comme on a tendance à ne pas vouloir voir ce qui ne fait pas notre affaire en tant qu'ego parce qu'on a de l'orgueil, il y a peut-être des aspects de moi-même que je ne vois pas, qui sont des aspects à développer davantage, mais à travers d'autres tests futurs, je serai obligé de les prendre en considération parce que la vie est évolutive. Et le plan mental, son but, c'est pas de répondre à tous nos caprices, mais c'est de mettre en place des situations et des événements qui vont permettre à l'ego d'évoluer vers un niveau de conscience plus élevé. En harmonie avec le principe de la volonté et libre de la peur. Sinon, par rapport à l'événement, ma compagne a été capable de faire preuve de résilience à l'égard de son accident d'automobile. Et aujourd'hui, elle continue à conduire de l'automobile comme avant l'incident. Par contre, l'événement a changé son niveau énergétique, un peu comme le mien. L'événement m'a amené à développer de la volonté, donc ça a changé mon niveau de volonté, donc l'énergie de mon être. Donc, c'est tout le temps voir l'aspect énergétique qui peut se cacher derrière l'événement. Et certaines personnes ont la capacité rapidement de faire face à la situation. Donc, quelqu'un, par exemple, voit que sa voiture est brisée, c'est pas grave, c'est du matériel, on peut s'acheter une autre voiture. On peut aussi, si on est couvert adéquatement par la compagnie d'assurance, obtenir une autre voiture, que ce soit à valeur à neuf ou une auto usagée de valeur comparable. Donc, au niveau matériel, il y a des solutions qui existent. Donc, c'est sûr que quelqu'un face à la voiture qui voit ça comme étant une forme qui peut être changée, il n'y a aucun problème. Par contre, la personne qui a un attachement sentimental à la voiture, en s'imaginant que la voiture était unique, elle était d'une valeur inestimable, et elle l'associe à des souvenirs d'enfance, des souvenirs amoureux, etc., peut avoir vécu un deuil. Donc, elle peut se mettre à pleurer. Elle peut vivre la tristesse. Je connais le cas d'une personne qui, face à un accident, a vécu de la tristesse de voir la voiture gravement endommagée suite à l'événement. Alors qu'une autre personne face au même événement, elle ne vit pas de tristesse, elle constate que bon, l'auto est brisée, on en prend une autre, il n'y a pas de problème, on fait autre chose. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça. Et ces gens-là aussi qui ont à vivre un processus de deuil, à pleurer suite à l'événement choc. Si la personne a à vivre une période de temps de deuil, liée à l'intégration de l'énergie de l'événement qu'ils ne sont pas capables d'intégrer spontanément, ça doit être respecté aussi. Donc, c'est pour ça que l'être humain qui développe une conscience évoluée qui lui permet d'intégrer rapidement certains événements doit avoir le principe aussi de l'amour envers autrui et du respect pour respecter que l'autre n'est peut-être pas nécessairement capable d'intégrer l'événement au même rythme que lui et de l'accueillir là-dedans sans le juger, sans lui imposer son rythme. Parce que c'est pas parce qu'une personne intègre rapidement l'événement qu'il a le droit pour autant de vouloir amener une autre personne à en faire autant. Il doit plutôt respecter son rythme de développement parce que sans ça, il brusque les choses. Et puis sans ça, ben, il lui occasionne de la souffrance. Donc, c'est une forme de manque de respect à ce moment-là. Tout ça pour dire que il y a des événements qui ont cours et qui ne sont pas choisis par l'ego et qui créent un changement réel énergétique. Donc, quelqu'un, par exemple, qui veut un événement comme un accident d'automobile qu'il n'a pas provoqué, ça peut amener un changement de sa structure mentale, de sa puissance de volonté, entre autres, qui est réel et permanent. Par contre, si une personne fait de la course automobile à 200 km/h sur une piste de course avec d'autres personnes, puis à un moment donné, elle est blessée, bien, c'est parce qu'elle a voulu ça. Elle est consciente que si elle fait de la course automobile, non seulement elle peut être blessée, mais aussi elle peut mourir. Son auto peut prendre en feu. Donc, la personne sait qu'elle court des risques, mais elle les prend pareil, donc ça lui appartient. Mais ce qu'il faut qu'elle comprenne, c'est qu'elle décide à ce moment-là de vivre plus au niveau de l'ego. Et puis, par rapport à ça, elle ne crée pas un éveil de conscience s'il y avait des chocs, si elle s'expose volontairement à des chocs. Donc, c'est très différent. Tout ça pour dire que l'éveil au niveau de l'ego ne se prépare pas. C'est sûr que l'ego qui est stable, c'est la stabilité de l'ego est quelque chose d'utile, que la personne soit consciente ou pas, dans la capacité d'encaisser des chocs. Par contre, pour encaisser des chocs, ben c'est sûr que si c'est des chocs qui visent la conscience, c'est vraiment le plan mental qui va les occasionner dans la vie à travers des deuils, des pertes qui ne font pas plaisir à l'ego. Quelqu'un, par exemple, qui perd une maison, ça peut être une occasion d'éveil. Donc, suite à une inondation qui court, la maison est une perte totale parce qu'il y a eu des infiltrations d'eau majeures, il y a eu de la moisissure. Ben, la personne, à ce moment-là, est confronté à un événement qui l'amène à faire le deuil d'un élément qui était significatif dans sa vie. Donc ça peut mesurer sa capacité d'être libre de la forme, en l'occurrence cette fois-ci la maison. Donc tout ça pour dire que en réalité l'éveil se fait à travers des événements qui ne sont pas choisis par l'ego et la personne qui pense que si elle passe 20 minutes par jour à méditer, qu'elle va s'éveiller ainsi, c'est une illusion. La méditation peut aider à relaxer l'âme, à la stabiliser, à la calmer, mais ça n'éveille pas en tant que tel. Même chose pour la pratique du yoga, même chose pour les gens qui vont respirer des odeurs d'encens ou qui vont faire de la prière. Par contre, c'est sûr que, bon, il y a quand même des choses qui sont utiles à faire en tant qu'ego, que la personne soit consciente ou pas. Être capable de gérer adéquatement ses relations avec les proches, c'est utile. Être capable de gérer adéquatement son argent, c'est utile. Être capable de s'occuper de sa santé, c'est utile. Donc, des choses concrètes comme ça, que la personne soit consciente ou pas, c'est utile. Par contre, est-ce qu'on peut dire que ça permet d'atteindre un éveil réel? La réponse est non. Par contre, est-ce qu'on peut dire que ça peut préparer le terrain pour connaître un éveil réel? La réponse, c'est non. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de gérer l'argent, qui sont capables d'avoir une très bonne santé ou d'avoir des contacts relationnels qui sont bons ou d'avoir une vie équilibrée. Par contre, ça ne fait pas pour autant des gens qui ont la capacité de voir les vibrations derrière les formes. Et plus que le choc n'est pas voulu par l'ego, et plus que ça peut créer une ouverture qui est grande, qui va permettre la descente de l'énergie mentale en remettant en question l'individu. Donc, c'est sûr que si, par exemple, quelqu'un perd sa conjointe une fois, ensuite va reprendre avec elle, il la repère une deuxième fois ou une troisième fois, ou il change de conjointe puis il n'est pas capable d'être stable au niveau du couple, ça fait 4, 5, 6, 8, 10, 10 conjointes qu'il y a. Ça se peut qu'il se remette en question dans son comportement, dans son rapport avec les femmes. Donc, autrement dit, l'ego est obligé de se regarder de se remettre en question en vue d'avoir un comportement qui est plus ajusté si la personne va être en couple, ça ne fonctionne jamais. Donc, autrement dit, c'est à travers l'adversité qui n'est pas voulue par l'ego que l'ego est obligé de remettre en question son fonctionnement et s'ajuster au réel. Donc, quelqu'un peut s'entêter et dire que son comportement avec les femmes est approprié après une rupture amoureuse. Ensuite, 2, 3, 4, 5, 8. Puis ça peut prendre, dans un cas, 5 ruptures amoureuses avant que l'ego se remette en question réellement. Parce que pour les 4 autres premières ruptures amoureuses, il va dire « Ah, c'est de la faute de ma conjointe, ça ne fonctionnait pas. C'est de la faute à elle. Elle n'était pas gentille, elle n'était pas ci, elle n'était pas ça. C'est de sa faute. Moi, je suis parfait. » L'ego peut penser comme ça, c'est-à-dire d'une manière polarisée et en ne voyant pas la part de responsabilité qu'il y a à l'égard de la relation. Mais c'est quand il commence à souffrir de l'événement que là, il peut se remettre en question. Mais pour qu'il en souffre, plus qu'il est inconscient, plus que le niveau de souffrance doit être grand en vue qu'il se remette en question. Donc, quelqu'un qui est très inconscient, qui est très orgueilleux, bien, ça peut prendre 10 ruptures amoureuses avant qu'il considère la possibilité qu'il doit agir autrement. Quelqu'un encore plus orgueilleux, ça peut en prendre 15, 20, 30 et ainsi de suite. C'est en proportion de l'ouverture de l'ego à se remettre en question et de changer. Donc, plus qu'il est orgueilleux et rigide dans son comportement, plus que ça va y prendre un choc qui est grand en proportion pour qu'il change. Et c'est la même chose pour une collectivité. Plus que la collectivité est rigidifiée dans des formes qui ne sont pas réelles, qui sont liées à de l'influence astrale, et plus ça demande des chocs de vie qui sont inversement proportionnels pour créer un changement dans la psyché collective. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, je ne souhaite pas l'éveil de l'humanité avec les informations auxquelles j'ai accès sur le plan mental, dans le sens que je ne souhaite pas que ça arrive tout d'un coup, parce que pour que ça arrive tout d'un coup, ben, ça prendrait des situations et des événements chocs de nature apocalyptique qui ébranleraient toutes les parties de la société rapidement. Donc, autrement dit, ça prendrait des guerres, ça prendrait des attentats terroristes, ça prendrait des épidémies majeures, ensuite des bouleversements climatiques, des millions de réfugiés climatiques. Ensuite, ça prendrait des situations graves de pauvreté, de dictature, pour en remettre tous les éléments en question. Donc, ça prendrait une très grande quantité de souffrance au niveau collectif pour qu'il y ait un éveil collectif qui se produise. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'ego, je me mêle de mes affaires. Donc, d'un point de vue évolutif, il est plus souhaitable que quelques individus s'éveillent petit à petit au fil du temps, plutôt que tous les individus s'éveillent simultanément, parce qu'à ce moment-là, ça prendrait des très grands chocs de société, et ce que ça empêcherait le fonctionnement de beaucoup de personnes aussi dans la société. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que les âmes en évolution qui sont sur Terre sont différents taux vibratoires, donc il y a des âmes qui ne seraient pas capables d'intégrer des événements chocs, et dans certains cas, sombreraient dans la dépression et la déchéance. Parce qu'il ne serait pas capable d'intégrer l'événement. Parce que l'individu a une capacité relative d'intégrer certains événements. Donc, par exemple, une personne d'intégrer un accident automobile, ça peut être possible. D'en intégrer deux avec des blessures physiques importantes, ça devient plus difficile. En intégrer trois avec des blessures majeures, la perte de membre, ça devient de moins en moins possible, puis il y a des gens qui ne sont pas capables de se relever par la suite. Donc, quelqu'un qui a trop de chocs d'une manière continuelle, ça se peut qu'il devienne dysfonctionnel en société s'il n'y a pas une capacité d'intégration proportionnelle. Donc, autrement dit, la personne n'est plus capable de travailler. Donc, quelqu'un, par exemple, qui vit une rupture amoureuse, bon, il peut avoir un temps d'arrêt, par la suite, il intègre l'événement. Mais là, si ça fait 5 qui vit de manière continue, ou 10, ou 20, ça se peut qu'après 20 ruptures amoureuses, la personne soit dans un état très grand de dépression, qu'elle a l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne dans sa vie et qu'il n'y a plus le goût de travailler. Et c'est tout à fait normal parce que l'adversité est trop grande par rapport à la capacité de l'ego d'y faire face et d'exprimer une volonté qui est inversement proportionnelle à la charge d'énergie auquel il est confronté. Et c'est pour ça que l'individu qui se conscientise doit respecter les autres. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir du mépris à l'égard de certaines personnes face à un événement. Donc, quelqu'un peut dire à quelqu'un qui est paresseux parce qu'il a arrêté de travailler suite à une dépression en relation avec une rupture amoureuse, alors que ça fait 6 mois que l'événement a eu cours. Alors que l'ego qui se conscientise apprend à se mêler de ses affaires parce que quelqu'un peut avoir de la difficulté pour ça, mais peut-être qu'il n'aura pas de la difficulté pour autre chose. Et puis l'être humain n'a pas à juger autrui parce que l'être humain doit respecter le rythme d'intégration de chaque personne. Donc, autrement dit, si quelqu'un, ça y prend 6 mois pour intégrer une rupture amoureuse, alors que lui, il a intégré ça instantanément, ben, tant mieux pour lui. S'il était capable d'intégrer la rupture amoureuse d'une manière immédiate, mais il ne doit pas imposer son rythme à une autre personne. Parce que sans ça, il y a un orgueil spirituel, parce que sans ça, bien, il se présente à l'autre comme étant un maître qui va lui dire quoi faire, qui va lui imposer un rythme qui ne lui convient pas. Donc, la plus belle preuve d'amour, c'est de respecter le rythme d'évolution des gens qui nous entourent et de respecter aussi leurs croyances dans la mesure qu'ils ne cherchent pas à nous les imposer. C'est sûr que dans mon cas, par exemple, j'ai eu une discussion récemment avec ma mère qui, elle, lorsqu'elle va être décédée, veut qu'on lui paye des messes. C'est-à-dire que appartenant à la religion catholique, chrétienne, elle a pour croyance qu'elle nourrit, qu'elle entretient, que lorsqu'elle est morte, c'est important que des prêtres qui célèbrent des messes, qui font des offices religieuses, célèbrent des messes en son nom pour lui envoyer de l'énergie positive et un soutien spirituel à son âme une fois qu'elle va être décédée. Donc, elle a cette croyance-là, que la vibration du prêtre va l'aider à s'élever spirituellement, à apaiser son âme, une fois qu'elle va être rendue dans l'au-delà. Donc, elle a besoin de cette énergie-là. Donc, c'est sa croyance et je la respecte. Et c'est sûr qu'à ce niveau-là, lorsque ma mère va être décédée, ça va me faire plaisir de payer des messes à des prêtres pour respecter ses dernières volontés, qu'elle a d'ailleurs mentionnées à cet effet au niveau de son testament. Par contre, si vous me posez la question, est-ce que par rapport à moi, je suis intéressé qu'on célèbre des messes une fois que je vais être mort? La réponse est non. Parce que, de mon point de vue, je n'ai pas besoin du support d'être en voie d'évolution à travers des formes religieuses qui vont réciter des formes, c'est-à-dire des prières, pour me donner une forme de support à mon âme. Parce que je ne suis pas intéressé à être lié psychiquement à ces gens-là. Et à quelque part, mon niveau d'énergie augmente. Donc, plus que mon niveau d'énergie touche au plan mental, et moi, j'ai besoin d'un support énergétique qui me rattacherait au plan astral. Donc, ça devient inutile. Et d'ailleurs, l'individu qui sera totalement conscient n'aura pas besoin qu'on lui paye des messes en son honneur et sa grandeur parce qu'il va avoir une vibration qui est plus élevée que les entités ou les êtres sur le plan physique qui célèbrent les messes. Donc, autrement dit, c'est comme si on demanderait, par exemple, à des enfants de donner un support à quelqu'un qui est adulte, alors que l'adulte sait déjà toute l'information que les enfants vont présenter et l'adulte présente un taux vibratoire qui est plus élevé qu'eux. Donc, c'est une perte de temps de demander, par exemple, à des gens qui célèbrent des messes qui ont un certain taux vibratoire qui est plus bas que la personne qui a vécu la fusion avec le plan mental, de donner un support énergétique à celle qui est en contact avec le plan mental, qui est une énergie beaucoup plus vaste que celle astrale qu'ils peuvent véhiculer. C'est sûr que ça peut être des êtres très bien intentionnés. Ça, j'ai aucun problème. Le prêtre qui célèbre sa messe peut être extrêmement sincère dans sa célébration, mais il n'y a pas l'autorité énergétique d'élever le taux vibratoire d'un individu qui est en fusion avec le plan mental. Par contre, il peut donner un certain support à une âme qui n'est pas en contact avec le plan mental, qui est en contact avec le plan astral, qui va faire plaisir à l'âme, qui se retrouve en périphérie de la Terre une fois qu'elle a quitté le corps physique suite au phénomène du décès pour bénéficier et intégrer de cette énergie. Ça, j'ai aucun problème. Que ça puisse exister des gens qui bénéficient de messes célébrées par des religieux, ça peut être possible. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que cela ne rendra jamais l'individu qui est en contact avec le plan mental libre de voyager dans le cosmos. Parce que c'est pas en ayant accès à de l'énergie astrale, lier une messe récitée en son honneur et à la grandeur de son ego, que ça permet à l'ego d'être libre de la forme et de voyager librement dans le cosmos. C'est impossible. Donc, il faut comprendre que l'individu qui est en contact avec de l'âme peut aimer ce type de pratique religieuse. Il y en a d'autres également qui vont donner un certain réconfort à son âme. Et c'est correct pour la personne si elle vit ça sincèrement et ça fait partie de son expérience qui doit être respectée. Par contre, l'individu sur le plan mental, si on lui pose la question, est-ce que tu veux qu'on célèbre des messes pour toi? La réponse va être non. L'individu sur le plan mental n'a pas besoin du support de la religion pour évoluer librement parce que le simple fait qu'il est en contact conscient avec l'énergie du double fait en sorte que la personne peut évoluer d'une manière autonome dans le cosmos. Donc, elle n'a pas besoin du support d'entités de haute spiritualité qui se rapportent à une religion pour évoluer parce qu'elle peut le faire par elle-même. Donc, autrement dit, elle est autonome. Elle est une conscience qui est libre. Mais la grande affaire, c'est qu'il n'y a pas de préparation pour l'éveil. Donc, autrement dit, on ne peut pas dire à une personne qui vit dans une conscience plus astrale ou à caractère religieuse que cette personne-là doit faire certaines choses pour s'éveiller parce qu'elle ne le peut pas. Donc, c'est pour ça qu'elle doit être respectée dans ses croyances, dans son vécu, sans qu'on cherche à la changer. Et si un jour, le plan mental crée un choc dans sa vie et la personne vit une remise en question fondamentale qui fait en sorte qu'elle veut redéfinir ses paramètres existentiels et elle vous pose des questions, mais avec une vibration nouvelle qui est activée et que vous êtes mis en vibration de lui communiquer de l'information qui provient du plan mental, là, c'est approprié de véhiculer de l'information mentale à cette personne-là. Mais sinon, ça ne l'est pas parce que ça viendrait juste la brusquer dans son rythme. Et c'est la raison pour laquelle je demande aux gens qui écoutaient les enregistrements d'arrêter d'écouter les enregistrements s'ils sont en décalage avec votre vibration, parce que sans ça, c'est inutile pour vous. Ces enregistrements sont affinités avec votre niveau vibratoire, c'est correct. Puis, je demanderai aux gens qui écoutent les enregistrements de ne pas partager ces enregistrements-là à des gens qui n'ont pas la vibration des écouter, parce qu'à ce moment-là, c'est une perte de temps. Et puis, par rapport à tous les propos qui sont tenus dans les enregistrements sur cette chaîne, ce qui est important, c'est de ne pas les croire, c'est de vérifier par vous-même si cela est réel, parce que sans ça, vous allez tomber dans de la mystification. Et c'est à vous de vivre votre vie pour vous-même, pas par rapport aux propos tenus dans les enregistrements, parce que sans ça, vous ne serez pas libre. Si les propos tenus dans des enregistrements sont affinités avec vous, et ça, peu importe les enregistrements, que ce soit moi ou d'autres personnes, bien, tant mieux. Ça vous permet de cerner ce qui est réel pour vous. Mais sinon, c'est une perte de temps et éloignez-vous de ça, tout simplement. N'écoutez plus ces enregistrements. Donc, vous voyez que par rapport aux enregistrements que je produis, je suis capable d'avoir un certain recul parce que pour moi, ce qui est important d'une manière fondamentale, c'est que les gens vivent par rapport à eux-mêmes. Donc, si quelqu'un a la vibration d'écouter les enregistrements, c'est correct. Mais s'il n'y a pas la vibration, qu'ils n'écoutent pas pour me faire plaisir, parce qu'à ce moment-là, c'est une perte de temps pour lui. Donc, autrement dit, c'est important de vivre en accord avec vous-même. Et ça, c'est vrai par rapport à toute chose, parce que sur Internet, vous avez accès à des milliers d'enregistrements. Et c'est pour ça que c'est de voir quels sont les enregistrements qui sont en affinité avec votre vibration pour savoir qu'est-ce qui va vous nourrir et vous dynamiser. Alors, c'est ce qui va compléter justement cet enregistrement.